Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, c'est au sujet de la manifestation d'hier. Oh, attendez, quel numéro demandez-vous, monsieur? C'est un faux numéro, ça, hein? Vous n'êtes pas à la CGT? Non, monsieur, absolument pas. Et c'est un ancien numéro, ça. Vous le rayez, il vous faut demander un nouveau numéro. Ah oui, mais faut pas m'insulter, moi. Mais je vous insulte pas, monsieur, je vous dis simplement que c'est un ancien numéro. Oui, j'ai compris, camarade, mon frère. Eh bien alors, camarade syndiqué, moi je suis pas syndiqué et je suis l'ancien numéro. Mais oui, voilà. Écoutez-moi, jeune homme. Oui. Vous pouvez avoir du respect quand même. Mais j'ai du respect, monsieur, je vous dis simplement que c'est un ancien numéro que vous faites, là. Oui, mais vous me dites ancien numéro comme si j'étais vieux de la feuille, moi. Mais je vous le dis parce que c'est pas le premier, je veux faire changer de numéro. Au revoir, monsieur. Mais écoutez-moi, jeune homme. Oui, eh bien écoutez, j'ai pas de temps, je monsieur. Je travaille, je suis administrateur des PTT. Eh bien, je suis bien content. Alors, pour vous, monsieur, félicitations. Dites-moi quel est votre problème et moi je vous change votre numéro en 5 minutes. Non, mais c'est pas la peine, monsieur, mais je me débrouillerai tout seul, je vous remercie. Non, j'insiste, jeune homme. Non, mais je vous remercie, monsieur, vous êtes vraiment aimable. Camarade. Oui. Je change votre numéro. Je m'en occupe dans 2 minutes. Non, c'est pas la peine. Si, j'insiste, monsieur. Si, j'insiste. C'est un ancien numéro qu'on m'a attribué. Voilà. Non, je vous le change sans problème. Mais je veux pas, monsieur. Ah, monsieur. Écoutez, vous me faites. Je me débrouille, monsieur. Monsieur, considérez ça comme acquis. Dans 5 minutes, votre numéro. Je ne veux pas, monsieur. Ne changez pas mon numéro. Ne touchez pas, s'il vous plaît. Camarade, excusez-moi, je vous donne un nouveau numéro. Moi, je n'en veux pas, monsieur. Écoutez, vous débrouillez. Au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Le 40. Oui. Oui, bonjour monsieur, Central 10 à l'appareil. On va devoir un état de demande de changement de numéro. Mais non, mais c'est un monsieur qui m'a téléphoné qui se mêle de ce qu'il regarde pas. J'ai pas demandé. Monsieur, vous permettez, monsieur, c'est Central 10 à l'appareil. Je vous demande de nous excuser une minute. Nous vous donnons votre nouveau numéro qui va prendre donc. Qui va être en activité dans 10 minutes. Mais je le veux pas, monsieur, mon nouveau numéro. Moi, j'en ai un numéro que j'ai communiqué à tout le monde, je le conserve. Nous sommes désolés, les ordres ont été transmis de manière électronique, c'est trop tard. Hein. Mais par qui, monsieur? C'est pas moi qui ai fait la demande. Alors, comme ça, n'importe qui peut faire la demande sur mon numéro. Où êtes-vous exactement? À Jaurès, là? Oui, nous sommes à Jaurès, monsieur. Oui, mais écoutez, je vais venir déjeuner tout à l'heure. Monsieur. Je travaille moi-même au PTT, je ne veux pas changer de numéro. Mais écoutez-moi, monsieur, nous avons eu une demande de l'administrateur, monsieur Doringer. Oui, mais justement, ce monsieur m'a téléphoné tout à l'heure, il s'est trompé de numéro. Non, écoutez. Écoutez, monsieur, c'est pas le bon numéro, mais ne vous cassez pas la tête, je vous le fais changer. Écoutez-moi, camarade, je vous donne votre nouveau numéro. Mais je n'en veux pas, monsieur, moi je vais venir tout à l'heure à l'agence commerciale, j'arrive dans un quart d'heure. Mais monsieur. Je veux conserver mon 42. Monsieur. Ce n'est pas parce que M. Tartampion a décidé de me faire changer de numéro. Ce n'est pas M. Tartampion, c'est l'administrateur qui est donc le secrétaire général du syndicat, vous le savez très bien. Mais je m'en fous, monsieur, qui que ce soit. Ah, vous avez... Il a été charmant, il a été gentil, mais moi je m'en fous. Monsieur, vous permettez, vous êtes prié de venir avec vos 3 dernières factures ainsi que 150 francs. Pardon? Ah bah oui, monsieur, non. Mais vous plaisantez, en plus, il va falloir que je paye. Bah écoutez-moi, monsieur. Non, mais qu'est-ce que c'est cette plaisanterie? Mais là, je vous garantis que ça va aller loin, cette histoire-là. Non, mais en plus, il va falloir que je paye pour changer de numéro que je n'ai pas demandé. 150 francs, monsieur. Mais jamais de la vie, primo, je suis employé PTT, donc je ne paie pas le téléphone, je ne paie pas l'abonnement. Ah ouais, hein? Ah ben ça, vous n'avez pas signalé, c'est trop tard. Comment, monsieur. Mais je voulais pas signaler, mais vous m'avez rien demandé, monsieur. Bon, attendez. Ça, alors là, je vous garantis que ça ne se passera pas comme monsieur, ça. Hein? Bah justement, monsieur Deringer vient de rentrer dans mon bureau. Attendez. Oui, mais justement, qui c'est ce monsieur-là? Attendez, vous permettez, je vais vous passer. Oui, je vous en prie. Il y a le client, là, vous avez demandé, on a déjà son nouveau numéro, mais il n'en veut pas. C'est la meilleure année, celle-là. Allô? Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a, camarade? On est en l'heure. Mais je ne voulais pas changer de numéro, moi, monsieur. Vous êtes bien gentil, vous êtes aimable, vous êtes urbain comme tout, mais je ne veux pas changer de numéro, mais monsieur. Je ne suis pas... Pourquoi vous me faites changer de numéro de force? Vous allez payer 150 francs, mais en une journée, vous allez avoir votre mais nouveau numéro. Mais je m'en fous, monsieur. Écoutez, ça va me coûter impression dolorise terrible, cette histoire-là. Moi, je ne veux pas. Écoute-moi, camarade. En plus, je suis moi-même employé des PTT, monsieur. Je ne paie pas ni l'abonnement, ni l'installation, ni rien. Vous voulez me faire payer 150 francs? Eh oui, mon camarade, parce que ces étés, nous sommes contre les privilèges. Y'a aucune raison que toi, tu casques pas comme nous. Non, mais comment? Mais vous payez quoi, monsieur? Mais qui est à l'appareil? J'ai pas compris. Écoutez, vous me dites où vous êtes, monsieur. Je viens vous voir parce que nous sommes voisins. On va s'expliquer de vive voix parce que là, on s'époumonne tous les deux. Hein? Écoute-moi, camarade, ton comportement frise d'hystérie. Mais ça écoutez, ne m'étonne pas de la part des castes des privilégiés. Mais je suis pas un privilégié, on me dit, je suis un préposé. Vous appelez ça un privilégié, vous? Mais un préposé? Est-ce que tu es venu hier à la manif? Mais non, je suis pas venu, moi je bricole, monsieur, chez moi. J'ai du boulot par-dessus les oreilles, alors. Mais monsieur, travaille au noir. Ah oui, alors non, mais... c'est une plaisanterie, non? Écoute-nous, camarade, tu parles quand même à quelqu'un d'obédient à ses étés. D'une part, t'es privilégié, ensuite tu travailles au noir quand tes camarades défilent sous la pluie. Mais c'est... Attendez, une question, monsieur. Vous êtes qui exactement? Monsieur Döringer. Döringer, où êtes-vous exactement, monsieur? À Jaurès, monsieur. Pardon? À Jaurès. On peut vous rencontrer d'ici un quart d'heure, 20 minutes, monsieur Döringer. Vous venez au bureau 203, mais je te signale que l'accueil va être musclé parce que... Ah ben écoutez, moi je suis ravi parce que là, je viens au bureau 203, mais qu'est-ce que vous avez contre moi, monsieur, s'il vous plaît? Nous n'avons rien contre toi, tu es paranoïaque, privilégié et en plus tu travailles au noir. Comment je travaille au noir? Je travaille chez moi. Déviationniste, liquidateur. Attendez, restons calmes. Poste 203, c'est une plaisanterie, ça, hein? Oui, c'est une plaisanterie pour Europe 1. Oh, félicitations. Alors là, écoutez, j'ai pas marché, j'ai cavalé. Vous m'avez fait prendre la colère de ma ville, hein? Allô? Allô? Mais t'es dingue? Allô? C'est pas normal. C'est Antoine Tulet. Non, mais en plusieurs fois que je paye. Bah, c'est pas encourageant tout ça.